Rappeur tu veux test mais t'as pas le style. MC Kamikaze comme héros frais de Palestine. J'estime les vrais alors mettez vos gilets. Mes rimes sont des bastos toujours prêtes à guiller. Se défiler, non défier, ouais remonter le niveau. Dans ce beat joue pas un rôle, tu n'y acteur ni faux. Mon flow pas mal, lève ton vertice. Ton son est banal, le mien donne le vertige. Tu piches, talent caché, je suis la nouvelle pompe. Bruyant comme la détonation d'un fusil à pompe. Et je plonge sur ce son, tous mes détracteurs. Certains MC pour vendre sont obligés détracteurs. Je fracture et démonte vos portes à coups de proche. T'apportes du bon son non-stop sans faire de pause. Je dépose ma signature, c'est 18 piges à peine. RIKTA, voilà comment je m'appelle. Écartez-vous, je fais mon débarquement. Nouvelle bombe venue tout droit du 7-5 département. Je viens marquer ma caisse cette putain d'époque. Même si Rikta est de sortie, alors préviens tes potes. Écartez-vous, je fais mon débarquement. Nouvelle bombe venue tout droit du 7-5 département. Je viens marquer ma caisse cette putain d'époque. Même si Rikta est de sortie, alors préviens tes potes. Le rap va mal, ok, je te l'accorde. Le PD qui formate, je les prends trop au bout de la corde. Hardcore, nouvelle bombe, mais pas à retardement. Sale garnement, paix pour le bombardement. Appartenant à la rue, il faut que tu le saches. Tête à tête, Manu, vas-y, bonhomme, pose ton slash. Je crache mon venin, entendu que mes vers grondent. Millerix, c'est une menace pour ceux qui se dévergondent. C'est immonde, certains se vendent pour un billet de sang. Écriture corps comme un bébé, un bibi de sang. Je sens ton puissance pour tous les jaloux. Même si t'as beau jacter, on sait que tu feras walou. Pour vous, je suis pas hip-hop, pas de Maggie ni Crochelle. Nous, dans un clip comme Shaggy, entouré de Crochelle. Je scène l'industrie et vous mets à l'amende. Muslim mentalité, je m'en fous d'être à la mode. Écartez-vous, je fais mon débarquement. Nouvelle bombe venue tout droit du 7-5 département. Je viens marquer ma caisse cette putain d'époque. Même si Rikta est de sortie, alors préviens tes potes. Écartez-vous, je fais mon débarquement. Nouvelle bombe venue tout droit du 7-5 département. Je viens marquer ma caisse cette putain d'époque. Même si Rikta est de sortie, alors préviens tes potes. Auditeurs, auditrices insatisfaits, ils veulent que je fasse la merde vu que c'est ça qui se fait. En effet, goût merdique de ces putains de TA. Annonce-leur l'arrivée d'RIKTA, prêt à tout péter. La concurrence est trop niquée, en l'occurrence c'est le vrai son qui est mal chroniqué. Tout niqué, défoncé, et ce à chaque étage. Paraît que dans ce milieu y'a des histoires de raquettage. Prise d'otage audiophonique, j'ai un ennemi un pied. Le rap français s'affole et les médias sont inquiets. Ok, vas-y viens ou bien, prenez la sortie. Me teste au promis, c'est se frotter aux orties. Amorti, les reste appuyé sur play. Slack sentit ta douleur, coup d'alcool dans la plaie. S'te plaît, arrête, mythomane, je te crois pas. Rappeur ridicule, recule 2-3 pas. Nouvelle bombe, nouvel attentat. Au mic, c'est MC Rikta. Wouah, ok. Écartez-vous, je fais mon débarquement. Nouvelle bombe venue tout droit du 7-5 département. Je viens marquer ma caisse de putain d'époque. MC Rikta est de sortie, alors préviens tes potes. Écartez-vous, je fais mon débarquement. Nouvelle bombe venue tout droit du 7-5 département. Je viens marquer ma caisse de putain d'époque. MC Rikta est de sortie, alors préviens tes potes. Écartez-vous, je fais mon débarquement. Nouvelle bombe venue tout droit du 7-5 département. Je vais marquer ma caisse de putain d'époque. MC Rikta est de sortie, alors préviens tes potes. Écartez-vous, je fais mon débarquement. Nouvelle bombe venue tout droit du 7-5 département. Je vais marquer ma caisse de putain d'époque. MC Rikta est de sortie, alors préviens tes potes. Écartez-vous, je fais mon débarquement. Nouvelle bombe venue tout droit du 7-5 département. Je viens marquer ma caisse de putain d'époque. MC Rikta est de sortie, alors préviens tes potes. Écartez-vous, je fais mon débarquement. Nouvelle bombe venue tout droit du 7-5 département. Je viens marquer ma caisse de putain d'époque. MC Rikta est de sortie, alors préviens tes potes.